pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau ou autre. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24, nettoyage d'échangeurs d'air et aussi de conduites de ventilation. Pour nous rejoindre, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent à la Coupe du Québec de vélo de montagne à Saint-Félicien en fin de semaine et vous invite à voter en très grand nombre pour la candidature de Saint-Félicien dans le cadre du projet Craft Hockeyville. On va parler avec de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Bonjour! Claude, j'aimerais que tu voudrais parler cette semaine de la grosseur des leurres. Oui, pas la grosseur des masques. Là. Non, moi je veux pas dans tout regarde. On est toutes les deux, je pense qu'on est pas mal d'accord là-dessus. Écoute, au niveau de la grosseur des leurres, ce qui est important, c'est que l'eau est vraiment chaude à l'heure actuelle. Puis les gens qui vont prendre des leurres trop petits vont osciller trop rapidement. Et là, le poisson est beaucoup plus lent. Donc, il va falloir faire vraiment attention pour prendre des leurres le plus petit possible, les plus gros possible, pour donner une action la plus lente possible. Okay. Là, le poisson est exactement comme nous autres. Quand tu as de l'eau chaude, puis que le poisson a chaud, même si l'eau est là, et même si le poisson reste dans son eau, qu'on appelle la thermotline, il reste quand même qu'on se doit d'avoir des leurres qui sont plus gros, moins pesants, qui vont agir de façon plus lente dans l'eau pour donner une chance au poisson d'être capable d'aller chercher notre leurre. Puis en plus, il faut mettre l'hameçon vraiment loin de la cuillère. Ça, c'est vraiment très important. Okay. Fait que, si les gens font pas ça, ils vont manquer leur pêche pour le reste de la saison parce que l'eau a réchauffé rapidement. Puis là, vraiment, le poisson est plus dur. J'ai vérifié que des pourvoyeurs, puis le poisson est plus dur. Okay. Moi, je pars pour la pêche pour une semaine, la semaine prochaine. La truite puis la wallaniche, puis c'est la technique que je vais me servir parce que partout où je vais aller, je sais que l'eau va être chaude. Où tu vas à la pêche? Je vais sur la base Côte-Nord. Okay. Une pourvoirie pour la truite qui s'appelle les Kergus. Puis là, je m'en vais pêcher sur le Grand Lac Puget-Jalon. C'est pas une pourvoirie, c'est un chalet privé. Puis je m'en vais pêcher sur le lac Puget-Jalon, la wallaniche. OK. Ça a un impact direct, hein? Ça a un impact direct parce que, comme je te disais plus tantôt, si vous prenez des leurres qui sont trop petits, l'oscillation va être trop grande et la truite, à ce temps-ci, ils n'iront pas le chercher. Donc, prenez des leurres le plus gros possible avec une action très lente, 8 pieds de monofilament derrière votre cuillère avec un petit appât, peu importe ce que vous utilisez. Moi, ça fait des années, je ne me sers plus de verre de terre, je prends des leurres de plastique, ça fait vraiment la job. Donc, c'est à vous autres de vérifier dans votre plan d'eau où vous allez. Au niveau du doré, là, les gars m'ont rapporté à l'heure actuelle qu'ils ont été capables de prendre du doré dans 40-45 pieds d'eau, là, ce qui est inhabituel. Okay. Parce qu'habituellement, le doré va remonter sur le bord des crans de roche, mais là, il reste dans ses fosses profondes parce que l'eau est trop chaude. OK. Dis-moi, Claude, j'ai un de mes chums qui a pogné un saumon, un gros saumon en Gaspésie, pèse 30 livres. Ouais. Et il me disait qu'il est obligé de le remettre à l'eau. Oui, absolument. Quelqu'un m'a absolument, dit il peut même passer de prison, ça se peut-tu? Oui, absolument. Quand on prend les gros géniteurs, c'est les gros saumons qui... N'oublie pas que le rythme du saumon, en réalité, c'est, je dis pas que c'est simple, c'est que un saumon, il va venir au monde dans sa rivière, il va y rester quelques années, après ça, il s'en va en mer, il s'en va tourner autour des bancs de Terre-Neuve, puis quand il réussit à passer au travers de ces quelques années-là, au bout de 6 ans, il revient dans sa rivière. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de privilégier la pêche pour les autres petits poissons, mais les gros géniteurs, c'est obligé d'y remettre à l'eau, on n'a pas le choix. Mais prison? Comment? La prison, la peine, c'est-tu... Pourquoi pas? Oh, absolument. S'il était pris à braconner un gros saumon, il risquerait de la prison. C'est rare que les gens y vont, mais il risquerait de la prison. Au moins, il va avoir des gros amants. OK. Ben Claude, un gros merci, on s'en reparle bientôt. Merci, mon ami, au plaisir.